na sisi na yo dodo lama fiki dondo eba beta kia okisu deka bake mwana ya zambi moja nisi ya mpili awana se DJ ndenge sali nyoso nyoso a stop kiti stop don don Dallas, Bana FC, Souka, Lipina de Sevis. Pacha, Mana, Monte, Mama, Inami, Souko, Tapa, Monoka, Paken, Basolo, Kasi, Eko, Bimisa, Kamano, Baya, Mwanya, Wendes, Makwat. Pacha, Mana, Monte, Mama, Inami, Souko, Tapa, Monoka, Paken, Basolo, Kasi, Eko, Bimisa, Kamano, Baya, Mwanya. Petit chinois face à Farata. Les géants na petit titi. Nino Vandal, les grands cas. Si tu vas pas logo, t'as pris à Dieu à vous libérer. Si tu vas pas logo, t'as pris à Dieu à vous libérer. Si tu vas pas logo, tu as dit pour la libération. Si tu vas pas logo, tu as dit pour la libération. Africa. Africa. Africa.